Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génésot. Seconde semaine, troisième jour. Dans la première contemplation, on considérera comment l'enfant Jésus était soumis à ses parents dans la maison de Nazareth, et dans la seconde, comment ils le retrouvèrent dans le temple. On fera également deux répétitions et l'application des sens. Note. Voir les mystères. Saint Ignace fait ici une légère inversion dans l'ordre de la narration évangélique. Voyez-en la raison dans la note suivante. Fin de la note. Prélude pour la considération de divers états de vie. Note. Prélude pour la considération des divers états de vie, tout ce qui touche à l'élection est de la plus haute importance. Il est donc nécessaire de se bien pénétrer du véritable sens de ce prélude. Le voici, après avoir considéré notre Seigneur Jésus-Christ comme modèle dans deux états, dans l'état ordinaire, lorsqu'il obéissait à ses parents, dans l'état non ordinaire, mais plus parfait, lorsqu'il les quitta pour rester dans le temple, nous commencerons, etc. Ce n'est pas sans raison que Saint Ignace a pensé devoir intervertir légèrement en cet endroit l'ordre des paroles, et même des faits évangéliques. Sans nuire à la vérité historique, il la dirige heureusement vers le but qu'il se propose. Ainsi, dans la première contemplation, il nous présente l'obéissance du Dieu enfant comme la forme de la vie commune, et il leur était soumis puis, dans la seconde, sa séparation d'avec ses parents et sa demeure dans le temple, comme la forme de sa vie parfaite. L'enfant Jésus demeura à Jérusalem. C'est ainsi que la contemplation de ces deux mystères, proposés dans cet ordre, prépare les voies et dispose les esprits à entrer dans la considération des différents états ou genres de vie. Fin de la note. Nous venons de considérer l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ dans deux états de vie, dans le premier, qui est celui de l'observation des commandements, lorsqu'il était sous l'obéissance de ses parents, dans le second, qui est celui de la perfection évangélique, lorsqu'il resta dans le temple, abandonnant son père adoptif et sa mère selon la nature pour vaquer uniquement au service de son Père éternel. Nous commencerons donc ici, tout en contemplant sa vie, à rechercher devant Dieu, et à lui demander avec instance la grâce de nous faire connaître en quel état ou genre de vie sa divine majesté veut se servir de nous. Note. Tout en contemplant, il ne faut donc pas interrompre la contemplation des mystères de notre Seigneur pour se livrer à l'examen de la vocation. Cet examen se doit faire, dans l'intention de Saint Ignace, en continuant de contempler la vie de Jésus-Christ dans les mystères assignés pour les jours suivants. Or, afin de connaître l'état auquel Dieu nous appelle, nous devons faire deux choses, rechercher ou examiner, et demander. Il ne suffit pas de rechercher, il ne suffit pas de demander, il faut faire l'un et l'autre, car Dieu veut que de notre côté nous fassions ce qui dépend de nous, que nous appliquions les puissances de notre âme à connaître ce qu'il convient que nous fassions pour le servir. Et il veut en même temps que le sentiment de la défiance de nous-mêmes nous porte à implorer sa lumière et sa grâce, de peur que notre sens ne nous trompe, ce qui serait très facile, même sous l'apparence du bien, si nous nous trouvions privés de la lumière divine, qu'il faut par conséquent demander avec instance dans une affaire aussi importante. Note. Sa divine majesté veut se servir de nous. Car la volonté divine est de nous employer à son service comme instrument. Fin de la note. Pour introduction à cet examen, nous découvrirons dans l'exercice suivant, d'un côté, l'intention de Jésus-Christ, notre Seigneur, et, de l'autre, celle de l'ennemi de la nature humaine, et nous apprendrons ce que nous devons faire pour nous mettre en état de parvenir à la perfection, dans quelque état ou genre de vie que Dieu, notre Seigneur, nous aura donné de choisir. Note. Pour introduction à cet examen. Mot à mot. Et ainsi, pour quelque introduction à ceci, c'est-à-dire pour nous disposer en quelque manière à rechercher ou à examiner dans quel état Dieu veut se servir de nous, et à le lui demander, ou à implorer sur ce sujet sa lumière et sa grâce. Note A. Ce que dit saint Ignace relativement au but de l'exercice qui suit, et qui a pour titre, de deux étendards, mérite une attention particulière. Il ne s'agit pas, dans cet exercice, de délibérer si nous devons suivre Jésus-Christ ou Lucifer. Cette délibération, injurieuse à la personne du Sauveur, serait de la dernière inconvenance, absurde, intolérable, surtout en cet endroit. Quel est en effet celui qui, dans la première semaine, n'a pas voué pour jamais à l'exécration Lucifer et son étendard? Qui n'a pas compris, dans la méditation du règne de Jésus-Christ, que le Verbe fait chair est l'unique chef que nous devons suivre? Il ne s'agit donc nullement de cette question. Aussi l'auteur des exercices se propose-t-il un tout autre but, celui de nous présenter une introduction pour nous disposer à l'examen d'un état de vie. C'est ce moyen qu'il appelle un prélude pour faire avec connaissance de cause l'élection, un prélude dans lequel nous considérions, ou, pour me servir de l'expression textuelle, nous voyons, comme si nous l'avions réellement sous les yeux, d'un côté, l'intention de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'autre, l'intention de Lucifer ou du démon. L'intention. Ce mot signifie moins dans ce passage la fin dernière que Jésus-Christ d'un côté, et Lucifer de l'autre, se propose, que les moyens par lesquels, ici, le Sauveur du monde veut conduire les hommes du salut, là, l'ennemi de notre nature veut les entraîner à leur perte. Or les moyens de Lucifer et ceux de Jésus-Christ, exposés dans l'exercice suivant, sont et doivent être en eux-mêmes indifférents. En effet, quiconque se dispose sérieusement à faire choix d'un état de vie et dans l'invariable résolution, on doit le supposer, d'embrasser ce qui est absolument bon, de rejeter ce qui est absolument mauvais. Cette disposition intérieure est un fruit nécessaire des exercices de la première semaine. J'ajoute que saint Ignace veut nous faire connaître les ruses de Lucifer, or, ces moyens ne seraient pas des ruses, s'ils nous portaient évidemment et ouvertement au mal. Cette considération de l'intention de Jésus-Christ et de l'intention contraire de Lucifer nous apprend comment nous devons nous disposer, c'est-à-dire quel courage nous devons concevoir, quelle maxime nous devons suivre, quels moyens nous devons prendre pour nous rendre parfaits dans l'état que Dieu nous aura donné de choisir, que ce soit ou non l'état de la perfection évangélique. Il sera assurément très utile à tous d'avoir puisé dans cet exercice le véritable esprit de Jésus-Christ, d'avoir appris à le connaître, de l'avoir comparé avec les ruses de Satan, quand même, à défaut d'une vocation plus élevée, on embrasserait, ou l'on aurait déjà irrévocablement embrassé l'état de vie que saint Ignace appelle commun, parce qu'il est celui de la majorité des hommes. La connaissance parfaite d'une doctrine si saine et si pure ne peut être, dans tous les états, que d'un puissant secours pour s'exercer à la pratique des vertus solides, et pour éviter les tentations, même cachées, ou les ruses de l'ennemi. Si l'on compare cette même méditation de deux étendards avec celle du règne de Jésus-Christ, On verra avec quelle méthode et quelle clarté Saint-Ignace nous conduit des propositions générales aux particulières, avec quelle douceur il nous invite à une connaissance toujours plus distincte de la perfection la plus sublime, et enfin avec quelle efficacité il nous porte à déployer tout notre courage pour l'embrasser. Fin de la note. Markendanarchive.org, 2020. D'après Archive.org, Université de Toronto, Université d'Ottawa et livremystique.com, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.